ñeen fukkelu qaida bi ak juroom ñaar moy 47e bi moy al hajatu tunzalu manzilatu darura al hajatu tunzalu manzilatu darura moy aaju al hajatu tunzalu dañ koy wacc manzilatu wacc wa ad darura lor xam nga gis nañu ad darura tun ta tubihul mahdurat kon bu boba tamit haajo aajo dafa am fu muy yegg day daali dañ koy wacc waccek lor muy jox exemple mune ka ibahati an-nazar ila al-maktuba comme daganal gi ñu daganal nga xol jëme ci ki nga xamantene mom ngay labat jigen ji ngay labat ngir bëgg ko tak fo nga xol ko parce que aajo bi dafa ri manam tay mo gën par exemple nga dem ba tak ko fekk bëggoko motax ñu lay permettre nga xol ko bu baax ndax bëgg nga ko wala deet bo do boba manam wala ngay deg donte ken du yobbu nak mais nak comme liñ wax rek dañ koy natale ci natuwayam ken du la may par exemple nga xol lu upp li nga xamne mo wara fenc moy fenc mom rek ni ci biti moy xar kanam gi loxoy et cetera couleur yaram bi comme loxoy ak yu mel non xol bu am xar kanam gi neex na la wala deet et cetera manam muy dem nga diko xol ni muy deme ak dik gi yoy rek lol rek moy dagan mais du lenen wa ding mais lol aajo motax ñu daganal ko motax aajo yu mel non parce que lan parce que conséquence motax kon dafa reuy mune ak wa ibahatu an-nazari at-tabib ila awrati al-marid ak daganal par exemple giñ daganal médecin bi mu xol awray ki febar manam comme ni nga xam non lañ ko xedde dañ koy natale ci natoyam tay par exemple duñu permettre médecin bi manam ko médecin bi normalement waru won xor awray jambour mais comme que waji do febar dañ ko wara fajj aaju bob importance bi nek ci fajj gi mom mo manam ndax buñ ko fajj du wër té bo muy tut day wéké ko manam day dé doot fi nekati lool mom motax mune wal hajatu idha ammat kanat ka darura aajo su fekkenté na fa dem ba matalé day daldi mujjé nek comme lor manam kon lool mom mo affair dem ba aajo bi dem ba pressant matalé ba day daldi mujjé nek comme lan comme lor comme moy rek par exemple auto nga xamantene dama yor sama auto vraiment soxloko ndax ci la war di liggéeyé munuma dépendre tam tout temps ci transport public et cetera et cetera manam vraiment bo wa ken duna la am auto da haram dedet mom ndax assurance bi dedet dañ nan la waw aajo bobu dafa pressant dafa matalé et cetera boba d'accord mais da ngay dadi jël assurance mais assurance bobu ngay jël nak day nek lan o ci yar ngay jël mais do fi nek di jël assurance incendie assurance vol xawma tout risque ak yoyep doko meuna jël waaw niki nonu keur yi ñi loué et cetera lool moy aajo bu matalé wala non rek la démé boba day daal du mel comme darura comme daal day nek comme lor parce que xam nga lool ci bopom auto ci bopom parce que du lor auto nécessaireul besoin la mais du nécessité mais besoin la bo xam tane quand même besoin bu kawé la ci yenn ci ñenn ñi du ñepp nak mais ci ñenn ñi besoin bu kawé la ci kaw loolu manam boba rek fofu loolu lañ koy daganalé wallahu ta'ala a'lam.